Sensations et souvenirs de Jean Lorrain. Enfance pour Monsieur Edmond de Goncourt. Cloche de Pâques. Des cloches, j'en ai su, qui cheminaient sans bruit, des cloches pauvres, qui vivaient dans des tourelles sordides, et semblaient se lamenter entre elles, de n'avoir de repos ni le jour, ni la nuit. Des cloches de faubourg tout sautantes, brisées, des vieilles, on eût dit, qui dans la fin du jour allaient se visiter de l'une à l'autre tour, chancelantes, dans leurs robes de bronze usée. Ce que je les ai aimées dans mon enfance provinciale, les vieilles cloches tant célébrées par Georges Rodenbach, et pour la tendre légende attachée à leur mutisme pieux, à ce silence de 60 heures observé comme un jeûne durant les derniers jours de cette semaine sainte, et pour la poésie de leur course lointaine au-dessus des cités, des mers et des détroits, et aussi pour les beaux œufs de Pâques, teints de violet, de bleu pâle et de rose vif, qu'elle semait de ci, de là, dans les plants de salade et les bordures de buis des jardins de la ville, en passant la nuit de leur retour au-dessus des logis endormis. Le jardin de ma grand-mère était particulièrement favorisé par les cloches de l'église Saint-Étienne, notre paroisse. J'y avais été baptisé. C'est pourtant à l'abbaye que ma famille m'emmenait entendre l'office du dimanche, à l'abbaye située plus au centre de la ville et par cela même plus commode pour les courses après la messe et les commandes aux fournisseurs. Mais nous suivions les vêpres à Saint-Étienne et les beaux œufs rougis de carmin ou bleutés comme des œufs de jais, les œufs merveilleux que le matin de Pâques, vite, au sortir de l'office, je courais dénicher un à un sous les feuilles du jardin de ma grand-mère avec des cris de joie presque sauvages. Ces œufs étaient, on avait bien soin de me le dire, l'offrande et le cadeau des cloches paroissiales. Ces vieilles cloches fêlées de Saint-Étienne n'avaient-elles pas, en bonne fée marraine, sonné à ma naissance, carillonné à mon baptême? Ne chanteraient-elles pas à ma première communion et ne me consoleraient-elles pas de leur suprême glas, à l'heure venue du trépas, quand je devrais m'en aller à mon tour. En attendant, elles me surveillaient dans la vie. Rien de ce que je faisais n'échappait à leurs invisibles yeux, et selon mes mérites d'enfant sage ou mes petites frasques d'écolier, elles se montraient plus ou moins généreuses, ces claires matinées de dimanche de Pâques, les bonnes cloches voyageuses, enfin rentrées de leur expédition lointaine, et mettant ce jour-là toute la ville en joie par leurs chants et sonneries de bon et prompt retour. À force d'entendre ma mère et ma grand-mère en parler avec une sorte d'exaltation attendrie, j'avais fini par attribuer une vie miraculeuse à ces cloches, par les traiter presque comme des personnes de ma famille, de vieilles parentes à la fois austères et indulgentes, un peu fées, et, en enfant nerveux que j'étais déjà, je vivais dans un perpétuel effroi de les mécontenter, en même temps que rempli d'une inébranlable confiance en leur mansuétude d'aïeul pour mes peccadilles d'écolier. Ah, que de fois, les belles journées de fin d'avril, quand au lieu de travailler mon quinticours ou mon épitome, je gaminais, ivre de soleil et de santé, entre les poiriers et les pommiers poudrés à blanc de notre potager. Que de fois je me suis surpris, hissé à quelques brèches de la muraille et regardant au loin, par-dessus les mâtures et les toits de la ville, si les cloches guetteuses pouvaient m'apercevoir du sommet de leur tour. Le potager dévalait en pente à mi-côte de la falaise et autour de son enclos la campagne embaumait, mis en champs de luzerne, mis en landes fleuries de mauves et d'ajoncs, à l'odeur de miel. Ça sentait bon le thym, les herbes aromatiques et la brise du large. Au loin, dans les échancrures des falaises, le bleu de la mer éblouissait. Oh, comme tout cela est loin déjà. La Bible épelée sur les genoux de grands-parents morts, disparus avec le cadre vieillot et charmant de vieux logis aujourd'hui transformés, abolis. la grande messe où l'on vous conduisait le dimanche, la somnolence des vêpres entendues comme en rêve, et la fantasmagorie des fins encensoirs qui vous semblaient en or, envolés en cadence au milieu des pierreries des vitraux, c'est là la féerie qui berce notre enfance, l'accueil et l'envoûte d'un sûr envoûtement au début de la vie, d'où, chez les tendres et dans les âmes fidèles, la persistance des souvenirs des premières années demeurant liés aux choses de la religion, d'où le suppliant regard en arrière jeté par les désespérés et les rebutés de la vie moderne du côté de la cathédrale et de son envol de tours, d'où ces vers éclos en ma toute jeune adolescence. Les saints de pierre, assis dans la voûte des porches, les anges du transept et l'âme d'or des cloches captives dans la cage énorme du beffroi, tous connaissaient Odile, et, grelottant de froid, les pauvres du parvis accroupis en prière, les trèfles des piliers et les lys des verrières, dans les noirs croisillons ouvrant leurs fleurs d'azur, et la lampe, astre d'or, au fond du cœur obscur, tous bénissaient Odile, et quand, fête et dimanche, rose, étenant baissée ses yeux bleus de pervenche, elle passait dans l'ombre austère du portail, son vieux missel d'ivoire au lourd fermoir d'émail, appuyé sur son cœur, une fraîcheur d'aurore pénétrait dans l'église, et la cloche sonore s'élançait plus joyeuse à travers l'infini. Doux ces vers, écrivais-je plus haut, première œuvre de ma 15e année, et réminiscence évidente de quelques légendes dorées, entendues presque au berceau, et dont mon cerveau émerveillé paraphrasait inconsciemment la miraculeuse impression en essayant d'y symboliser la grande joie radieuse, or et bleu, du dimanche de Pâques. Que sont devenues les cloches de mon pays, de ma petite ville de la côte, tout sautante, usée, vieillies comme les cloches de Rodenbach, se sont-elles tout à fait tues, ou est-ce moi qui suis devenu sourd? Mais il y a longtemps que je n'entends plus leur voix. Si elles parlent encore, elles parlent bien bas, les pauvres vieilles, et en tout cas, une langue que je ne comprends plus. D'ailleurs, bien d'autres choses ont changé pour moi. Plus on avance dans la vie, plus on s'y sent étranger. Les impressions vous trahissent, les sentiments aussi. Quand je vais dans mon pays, je ne retrouve plus les paysages familiers à mon enfance, et eux aussi ne me reconnaissent plus. Comme un voile de cendre s'est établi entre eux et moi, impalpable mais visible, et je sens qu'il s'épaissit d'heure en heure ce voile, jusqu'à la minute où cette cendre deviendra de la nuit, et tout alors sera fini pour moi. Qu'est devenue la vieille légende qui m'avait amusé comme un conte, troublé comme un baiser, ému comme un adieu, la vieille légende de la vie des saints, où j'avais essayé de faire chanter l'âme d'or des cloches? Quelle était cette Odile au passage de laquelle les apôtres, rangés au fond du porche sombre, entr'ouvraient lentement leurs mains de dur granit? Cette sainte inconnue, toute lumineuse dans l'église obscure, dont l'entrée au saint lieu faisait, d'un vol plus sûr, avec de longs bruits d'ailes, monter dans l'azur libre où sont les hirondelles, les archanges debout au milieu des dragons et des guivres dorés aux angles des balcons. La légende ne le dit pas, elle est d'un laconisme explicite, et touchant là-dessus, la légende, elle dit « Odile, âme pure et blanche entre les lys, était humble, pieuse et naïve. À longs plis drapés et sans joyaux, sa robe était de laine. Et c'est tout. Et cela suffisait dans ces temps. Et pour convertir les mécréants, intimider les débauchés et faire fleurir l'espérance et la foi dans les cœurs. Oh, le précieux don d'enfance, dont ont vécu tous les siècles d'ardeur et de combat. Le précieux don d'enfance qui fait qu'un écolier de 12 ans n'a qu'à joindre les mains dans l'angle d'une église pour entendre la voix des cloches et celle des saints de pierre immobilisés dans leur niche autour des campaniles. Bénir en cœur le nom des vierges de légende et du Christ, Fils de l'homme. Le don d'imagination et d'ignorance qui, les tièdes soirées de mai, en revenant du mois de Marie, par les ruelles étroites de ma petite ville, tout embaumée d'odeurs de lilas et de giroflées de murailles, me faisait dire, dans ma joie innocente, de respirer et de vivre, dans le contentement de ma petite âme et de ma jeune chair, je crois que les cloches m'aiment bien, ce soir. Ici se termine Cloche de Pâques de Jean Laurin, enregistré par Christiane Jehan. Illustration musicale du site museopen.org.